gaffe, mais ils sont là à les arter. Et s'ils pouvaient nous mettre des baffes, ils le feraient sans tarder. Toujours là pour qu'on puisse voir les traces des guerres et des malheurs. Les murs connaissent notre histoire, mais nous ne connaissons pas la leur. Que diraient les murs de ces villes qui ont vu les bombes et les missiles prendre la vie de civils plus vite qu'un battement de cils? S'ils le pouvaient, que dirait-il? Que l'homme vit pile dans le mille, qu'il est pour lui-même un reptile, ou que rien ne change en l'an 2000? Que diraient ces murs inondés par la souffrance de vie plombée? Je laisserais pas l'âme ni s'y monter quand l'homme décime aux y clomber. Que dirait ce mur gris qui divisa les gens de Berlin? Infranchissable pour l'esprit aussi bien que pour Chamberlain, ou son équivalent récent de Palestine et Israël? Pourquoi ce déluge de cendres récents? Est-ce que seulement il se rappelle? Maintenant c'est œil pour œil, civil pour militaire, caillou contre char, du vent dans un cimetière. Mais ces murs sont plus fragiles que nos cœurs de pierre. Dans des sentiments d'argile on coule nos peurs de bière. S'ils le pouvaient vraiment, franchement, que nous diraient-ils? Ces murs qui dans leur vie virent plus de choses, que diraient-ils? Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures. Les murs ont vu la mort, la haine, des gens se faire ken le temps d'un mot. Si tu crois pas que l'homme est une hyène, demande à ceux de Guantanamo. C'est la même à Jérusalem, au mur des lamentations, où la paix vole en éclats comme une bombe à fragmentation. Les murs des goulags ont vu se lever bien des soleils. Alors fais gaffe à ce que tu dis, ici les murs ont des oreilles. Mais sais-tu ce qui se passe derrière les murs de la santé? Sens-tu qu'on s'entasse dans la crasse, on toujours tort les absentés? Quant à savoir ce que se disent les murs de la Maison Blanche, sur ce pays ou devant la thune, même la raison flanche. Et qu'on dû penser les vitres et les murs de ces buildings qui ont fait tous les gros titres pour avoir croisé de Boeing. À ceux qui pensent que parler à un mur c'est comme parler à un mort, ils ont pas tort vu qu'un impact équivaut à un corps. Qu'il soit indien ou bien mort, quand il a faim le chien mort face au peloton d'exécution, ils mettent tout le monde bien d'accord. Que dirait cette muraille immense qui ceinture à la Chine? Que l'homme a peur du ralliement, préférant courber les chines, parce que devant leurs belles promesses trop mordu à l'hameçon. Pour ceux qui savent que le micro blesse, je franchis le mur du son. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures de tous ceux qui ont enseigné. Laisse parler les murs, ils ont des trucs à t'enseigner. Les complaintes et les murmures.